music. Faut faire le plein de bonne humeur. Ça tombe bien, vous êtes à l'heure. Dès 20h, c'est direct. On va rire, ce sera marrant. On s'en fiche du reste, on s'en fiche des autres. Les bons délires, ça, on leur fait confiance. Durant 2 heures, sans une prise de tête, c'est bien parti, on délire ensemble. Jadoul, Jadoul, Jadoul, tous les mercredis. Jadoul, Jadoul, Jadoul, dans la trappe. Jadoul, Jadoul, Jadoul, tous les mercredis. Jadoul, Jadoul, Jadoul, dans la trappe. 3, 2, 1, dès 20h, la trappe avec Jadoul et toute son équipe sur KIF. Wow. Bonsoir, bienvenue, on est là à la trappe comme chaque semaine pour vous accompagner. Qu'est-ce que je suis content de vous retrouver. Quel bonheur. Moi aussi. On s'était tellement marré la semaine dernière. Là, je n'avais qu'une envie, c'est de revenir. Et bien vous savez quoi? Je suis de retour. Ah bah ça c'est magnifique. Et là en arrivant j'ai trouvé deux personnes comme ça qui attendaient sur le pas de la porte du studio. Je me suis dit bon on va les faire rentrer. Ils ont l'air gentils eux aussi. Mais non ils contribuent évidemment au succès de cette émission. D'ailleurs les podcasts fonctionnent de mieux en mieux. C'est vrai. Je tiens à le dire. Voilà je pose l'information là. Vous en faites ce que vous voulez. En même temps c'est très bien fait, très bien produit. On s'applique. On s'applique. On essaye de faire de notre mieux. Ah, ça y est on est au mois de mai. C'est passé à une vitesse. Oh. Ouais. Qu'ils ont oublié de mettre le mois d'avril dans le calendrier. Oui, c'est passé super vite. Et c'est bientôt la fin de l'année, du coup. Vas-y, il faut nous le café. C'est bientôt Noël. C'est bientôt Noël, c'est tout là qui va arriver en peu de temps. Oh, incroyable. Mais quelle semaine qu'on a eue là déjà lundi. Bon, pour moi, rien n'allait. Enfin, c'était un lundi où il faut rester couché, vous voyez. C'est ces espèces de lundis où tout ne s'enchaîne pas comme prévu. Ah, bon, moi, ça a été. Très calme. Non, allez, on va vous raconter quand même les coulisses. Avec l'équipe, on a été manger un petit resto juste avant de démarrer cette émission. On a le droit, on finit la journée avec un resto et puis on démarre l'émission. Alors, si c'est la question que vous posez, non, le dîner n'était pas arrosé. En revanche... C'était un dîner de con. Qui que ça commandait un truc qu'il aurait peut-être pas dû. Non, j'aurais pas dû, je pense. Mais il me reste un peu... T'as mangé quoi? Ah, j'ai mangé un carpaccio. De bœuf. De bœuf, oui, c'est ça. Mais il était très plastifié, en fait. Il avait un goût... je sais pas comment dire, mais en fait, c'était pas cru. Tu sens qu'il y avait une espèce de matière chimique. Enfin, il était bizarre, quoi. C'est pas terrible. Si je dois vraiment publier la story, on voit surtout que ça baignait dans l'huile. Oui, notamment, mais... Non, je pense que... Je sais pas ce qui a fait le goût. Je sais pas si c'est l'huile ou si c'est le fait d'avoir une texture un peu... Ça avait pas l'air bon. J'ai quand même envie. Enfin, je veux dire, t'as été prévenu, t'as demandé. De base, c'était une entrée. T'as demandé si tu voulais le prendre en plat. Et la réponse de la madame, c'est on ne s'est pas changé les quantités parce qu'on l'a tout fait. Là, tu vois, il y a la sirène d'alarme qui se met en place. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est là que tu dis je vais prendre autre chose. Mais non. Après, je pouvais pas spécialement me faire deviner non plus que ça allait être pas terrible. Mais enfin, bon. Mais c'est pas très loin de la radio, c'était excellent, hein, si vous nous écoutez, excellent. Je reviendrai, bien sûr. Non, ils écoutent Nostalgie, donc... Non, on est tranquille. Je vais changer de voix, alors. C'était excellent, excellent. On se moque de Nostalgie? Ah, pas du tout. Non, pas du tout. On ne se moque pas de Nostalgie. Arrêtez. Pour des raisons qui m'incombent, je ne peux pas. C'était beau, ça, qui m'incombe. Oui, t'as ce vu sera ça. Le mot du jour, je propose. Vous l'avez compris, Kix, suite à ce resto et à ce magnifique plat, est en direct des toilettes. Même le carpaccio incombe, alors. Non, mais mon pauvre. Ouais, non, c'est vraiment horrible. Heureusement que les toilettes sont pas loin. Et il dit rien à la serveuse en plus. C'était bon? Oui. Oh, magnifique. Oh, bah c'est. Bon, il a sué des gouttes comme ça parce qu'elle. D'huile. Oui, déjà d'huile. Mais il a eu un petit peu chaud. Oui. Parce que, vous savez, je suis d'un naturel assez honnête. Et le cuisinier n'était pas là et la serveuse a dit: je voulais cuisiner moi-même les plats. Voilà. Et là, c'est là que. C'est un peu comme le Titanic. Une fois qu'on lance quelque chose comme ça, tu sais qu'il va couler. Et là, tu te dis, Jadoul, si on le lance sur l'eau, ça va mal finir. Et puis elle arrive, elle dit, comment ça s'est passé? Oui, comment ça s'est passé? Du coup, tu as répondu. Et là, on était en terrasse, mais Kix a regardé toutes les issues de secours pour se pour partir d'un coup comme ça. Disons que si Kix pouvait disparaître littéralement et juste laisser ses vêtements sur la chaise, je pense qu'il l'aurait pu le faire. J'étais avec une plante, il y avait une plante à côté de moi, je me sentais moins seul avec la plante, quoi. Sympa pour nous. Mais non, sans déconner. Non, mais elle me dit, alors vous avez trouvé comment le plat que je vous ai cuisiné moi-même? On va être honnête, hein. Oui, c'était très bon, c'était comme d'habitude. Sauf que pour lui, pour Kix, ça a été une éternité entre le « je vais vous dire la vérité » et la réponse. Parce que je ne suis pas un garçon méchant, Kix. Non, mais la vérité parfois, ça, c'est... Le nom n'était pas sûr. Non. Non. Non, mais la vérité parfois, elle est un peu crue, quoi, tu vois. Un peu comme mon carpaccio. Et parfois, ça se digère mal, tu vois. Allez, on les embrasse, on dira pas évidemment où se trouve cette brasserie sur le boulevard Auguste Reyers. Alors. C'est à côté de la radio. Bref, vous faites les raccourcis comme vous voulez. Mais on ne vous a pas dit le nom de l'endroit. C'est vrai. Je rappelle que c'était un repas de la prod qui vous était gracieusement offert. C'est peut-être pour ça qu'ils ont voulu nous intoxiquer. Merci la prod. Merci la prod. Quand la compta va me dire « Pourquoi vous avez fait un resto ? Ça vous a servi à quelque chose ?» Bah oui, regardez, on s'en est pris plein la gueule. Non, sans rire, c'était un peu limite. Bref, parlons plus de ça. Je vous propose qu'on parle de l'événement du jour. Oui. Oui, nous sommes le 3 mai. Qui dit 3 mai dit journée mondiale. Nous sommes la journée mondiale du soleil. Bonsoir, je suis Cosmos, votre dieu sacré gourou dans la secte du soleil. Bonsoir Cosmos. Elle est la première recrue de notre communauté. Et elle est tellement rayonnante et solaire que nous allons l'appeler Nivea. Bonsoir Maëva. Bonsoir Nivea. Deuxième disciple, il a mis son habit de lumière. Bienvenue parmi nous, petit serpent à lunettes humanoïdes. On t'appellera Lune, car il y est toujours. Bonsoir Kix. Bonsoir la Lune. C'est pas la peine de nous la montrer, Kix. Dégueulasse. Ouais, je remonte le pantalon du coup, pas. Bah oui, évidemment, dégueulasse toi. Je n'arrive plus à prononcer normalement le mot soleil. Ouais, c'est un hommage en fait à Marie-Thérèse Porchet, c'est un humoriste suisse. Il est mort ? Non, il est pas mort, non, c'est un hommage gratuit. Mais il a fait un spectacle qui s'appelait Soleil et du coup ça nous a inspiré ça pour la présentation de l'émission. Voilà, plein de surprises arrivent dans un instant. Maureen sera là pour faire le flash info. On aura une interview d'Elon Musk complètement lunaire. C'est le retour de Julien. Ma lune, tu le veux ? Ah non, pardon, excusez-moi. Tu sais, quand on ralentit le groupe à ce point, il faut savoir se taire. Voilà. Julien de Roubaix sera là pour régler à nouveau tous vos problèmes. Il est plié de rire qu'il est con. Et dans notre interview combinée, qui sera notre invité ? Yannick Noah. Merci beaucoup. Dès 20h, c'est la trappe sur KIF. Qu'est-ce qui se fait rire ? Il en touche pas une. Faites un resto avant l'émission, hein. Bravo, c'est ça que ça donne. Bougez pas, tout de suite. Mercredi soir, merci de nous avoir choisi. L'émission s'appelle La Trappe et on est là avec vous. Si vous trouvez que les soirées sont longues, oh, interminable. Vous trouverez le mercredi soir très court. Ah. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Ah, il est temps qu'on reparle de Monsieur Elon, Monsieur Musk. Ça me fait rire de dire Monsieur Musk. C'est drôle. Elon Musk, c'est le nouveau papa donc, de Twitter. Si vous n'aviez pas suivi un petit peu l'actualité, hein, il n'a jamais autant fait parler de lui. Bon, là, dernièrement, il a craché sa fusée. Il fait, c'est pas grave. J'en ai 12 dans mon garage. Je ne sais plus quoi en faire. Oh bah écoutez, si ce n'est que ça, vraiment. Une paille dans mon budget, une fusée, pff, rien. Déjà qu'il s'amuse à changer le logo. Ouais. Dogecoin, si je ne dis pas de bêtises. De quoi ? Sur Twitter ? Oui. Ouais, mais ça fait deux semaines que c'est fini, ça. Oui, mais bon, je veux dire, il s'amuse bien, quoi. Le mec fait sa vie, quoi. Voilà, bah, c'est le patron, hein. Et bon, il a fait une interview qui a été retranscrite l'autre jour dans Quotidien sur TMC. On va revenir là-dessus parce que c'était complètement lunaire. Je peux dire ce soir que de nombreuses erreurs ont été commises en cours de route, bien sûr. Et c'est la première fois que Elon admet publiquement qu'il a fait des erreurs dans sa gestion de Twitter. Et c'est assez rare de sa part que pour le souligner. C'est pas son style, en effet. Non. Et puis, bon, bah, ça reste Elon, donc l'interview déraille. Depuis que vous êtes devenu patron... Non, je ne suis plus patron. Hein. Mon chien Floki est le patron. Ok. Il a pris le relais. Non, mais bien sûr. En fait, il fait beaucoup d'humour pour esquiver les questions sérieuses au sujet de Twitter. Pour rappel, la BBC a été froissée qu'Elon lui attribue la mention « Média de l'État » parce que cette même mention était affichée sur les médias de propagande, les médias chinois notamment, qui sont vraiment contrôlés, peu spécial. Donc, ça fait parler. La BBC peut-elle admettre être responsable de désinformation ? Pendant le Covid, en ce qui concerne les masques et les effets secondaires des vaccins, la BBC n'en a pas fait état. Et le fait que la BBC ait été mise sous pression par le gouvernement britannique, vous êtes au courant de ça ? Ce n'est pas une interview au sujet de la BBC. Vous pensiez que non ? Et voilà, le petit tour. Ça a l'air très malaisant, je n'aimerais pas être dans cette pièce. J'aimerais pas faire cette interview, non, c'est sûr. Le mec, il a sorti le lasso de billets, il lui a dit, vas-y, raconte encore des conneries, tu vois. C'est à la limite, ça, mais c'est un peu flippant. Bon, je vous cache pas que moi, Elon, moi, je suis ça avec beaucoup de recul et je trouve ça super drôle. Vous savez ce qu'il a encore fait dernièrement ? Il a mis une réponse automatique pour les journalistes qui tentent de joindre le service presse de Twitter. Vous savez ce que ça répond tout seul aux journalistes ? Non. Un emoji caca. Non. Voilà. Merci, Elon Musk. Dès 20h, c'est la trappe sur KIF. Dans un instant, le Flash Info et puis Julien de Roubaix réglera vos problèmes. La Trappe, l'émission connectée qui te fera complètement oublier que c'en est une. Oh non ! D'ailleurs, l'équipe aussi a complètement oublié qu'ils doivent parler tech. Ah. Jadoul, dès 20h, sur KIF. C'est le printemps, vous avez vu là tout ça, les arbres qui fleurissent, le soleil, les couchers de soleil. Ça d'ailleurs, faire des soirées et tout. Il y a un coucher de soleil en ce moment au-dessus du studio, et comme on est dans un studio, il y a une fenêtre, ce qui est assez rare maintenant dans le monde des médias belges, que pour le souligner. J'ai un coup de soleil dans le cou. Tellement le soleil donne bien là. Il faudrait qu'on achète un store. Et du coup maintenant, il fallait bronzer et tout sur le balcon. Trop bien. Est-ce qu'on peut se cotiser pour acheter un store, s'il vous plaît ? Chacun donne une pièce et on peut se payer un store. Je pense qu'il y a tout sauf ça. Ouais. Et attends, et en été alors, ça sera comment ? Bon, en été, on va crever simplement. Ah. Voilà. Non mais voilà, il fait beau. J'ai envie de bourgeonner avec ce printemps. Bourgeonner ? Oui. Des boutons partout. Ah. J'ai une sale image. Et tout cool comme ça. Bref. Oh. Quelle horreur. Évite de bourgeonner, s'il te plaît. Mais pourquoi on parle de ça ? Enfin, dans un instant, Yannick Noah sera notre invité. Yannick Noah, that's life. That's life. Merci Jean-Luc. Il sera là et la minute tactile de Maëva, comme chaque début de mois, tu vas nous parler. Mais des sorties du mois de mai. Exactement. Et vous êtes. Oula ! La trappe, l'actu. C'est une émission que je vais vous présenter avec des flash infos. Tout d'abord, les maisons de repos sont fermées. Il y a 7 maisons de repos qui sont fermées parce qu'ils avaient des problèmes, etc. Sinon, on a fermé 7 maisons de repos. Sinon aussi, il y a Pierre Palmade qui a pris la fuite avec son véhicule. Il a écrasé 2 ou 3 personnes comme ça. 2 ou 3. Et sinon aussi, au niveau de la comédie, il y a un jeune garçon de 7 ans qui a fait un rôle dans le cinéma. Oh, voilà. Bien. Sinon, je vais vous faire passer des musiques. Sinon, bienvenue. Et voilà. Et maintenant, merci d'être à mon écoute, etc. Allez, je vous fais des énormes bisous. Allez, ciao. Sur Radio Chevauchon, oui. Je sais pas ce qui s'est passé. Oui, Maureen était prévue. Oui, on nous impose maintenant d'avoir des infos dans l'émission. Ok. Hein, les quotas, c'est ça, hein, d'informations sur la radio. Donc voilà, elle avait le droit à faire 2 flashs sur l'émission. Elle bosse aussi bien que nous, ce que je vois. Ah, donc elle va revenir ? Ben, j'ai l'impression. Ah, okay. Parce que c'est un peu intempestif. J'ai l'impression qu'elle prend le contrôle de cette émission sans qu'on s'y attende. La trappe, l'actu. Bonjour à tous, voilà. Voici les 100% actualité people, les 100% actualité musicaux, et les 100% actualité au niveau de... Ouais, vas-y. Voilà, ma première info, c'est que Koh-Lanta 2023 va bientôt commencer sur TF1. Et voilà, et après on a... Après, il y a Pierre Palmade qui est en arrêt d'arrestation parce qu'il avait bousculé plusieurs... il avait bousculé une voiture et voilà, avec des effets de la cocaïne. Sinon, voilà, ça c'est ma deuxième information. Et puis après, on a fait une perquisition sur le, dans le domicile de Pierre Palmade parce que, voilà, et on a trouvé de la pédopornographie. Sinon, Dylan est devenu un influenceur sur tous les réseaux sociaux. Quoi ? Sinon, sans transition. Il y a une jeune Allemande qui se fait passer pour Manny McKean. Qui ? Voilà. McKean, okay. Ça, c'est mes 100% actualité. Merci. Et maintenant, non, on va passer à la musique. Vous voulez t'embêtement, on le fait. Angel, Angel a eu pour la marque Chanel, etc. Et voilà. Sinon, je vous souhaite une très bonne soirée sur mes ondes préférées. Voilà la suite d'un mur. Allez. Sur scène, on coule, il se Oh, j'avais envie de respirer pour elle déjà. Oui. Respire. Elle est géniale. C'est lunaire. Oh là là, on n'en fait plus des journalistes comme ça. C'est pas plus mal parfois. Bon, laissez tomber ce qu'on devait faire dans cette séquence. Elle nous aura bouffé tout notre temps, Maureen. On lui fait des gros bisous. Bisous Maureen. Bisous Maureen. Ah, les sorties du mois de mai sur toutes les plateformes, ça arrive. Yannick Noah, notre invité, comme je le disais. Et on aura notamment le jeu de Kix. Le FaceTime. Exactement, il s'en rappelle et c'est une bonne nouvelle. Avant ça, une page de publicité. La page réclame qui va suivre vous êtes offerte par Radio Falminioul. La natation vous branche, vous rêvez de posséder votre piscine et chercher un produit de qualité qui défiera le temps qui passe, installé dans les règles de l'art, sans la présence d'un bon apéritif et d'un alcool de qualité. L'entreprise J'ai ramassé des cailloux, c'est le distributeur et installateur régional de piscines coques et cailloux de la réputée marque Esteban Morillo, Poeta. Qui vous octroie une garantie de 35 ans. Vous serez judicieusement tué par balle par un policier belge dans le respect de votre budget. J'ai ramassé des cailloux. C'est également une entreprise en terrassement et aménagement extérieur, sans oublier les aliments pour animaux de compagnie et les combustibles. Est aussi de sa compétence pour tous vos événements festifs, associations et comités d'entreprise, la location de containers spécialement aménagés en bar box ou food box avec burgers, spécialité italienne ou créole. Tout est possible. Location avec ou sans personnel. Pour tout renseignement, formez le 0-496-22-47-08 529-933 agréé toute mutuelle disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. La publicité que vous venez d'entendre aidera Radio Falminioul à payer le courant. Merci. Fantastique. C'est incroyable. C'est de l'art un petit peu, je trouve. Je trouve que ces publicités font partie du patrimoine belge audiovisuel. On l'embrasse. Il est trop fort. Mais il est fabuleux. J'aimerais vraiment, je donnerais très cher pour même pas le rencontrer, juste au moins voir sa tête. Je veux voir à quoi il ressemble, ce monsieur. T'as déjà cherché au moins, il y a moyen sur Internet. Enfin, oui, alors, ça fait seulement une semaine que je connais son nom. Parce que c'est avec le succès de cette séquence des fausses pubs qu'on fait là maintenant que tout le monde se dit ouais, d'où ça vient. Et il y en a qui ont retrouvé quelle radio fait les vraies pubs. Qu'on modifie nous. Et ils ont remonté la source. Et c'est un animateur d'une grosse radio en Belgique qui m'a dit ouais, mais un jour j'ai postulé dans cette radio là et ils m'ont dit t'as pas le niveau. Ah. Alors que le mec est un animateur d'une grosse radio, la première radio du pays, hein. On lui a dit t'as pas le niveau. Ça fait du bien à l'ego. Ah bah, ça fait plutôt mal quand on entend La natation vous branche. Voilà. Le pire, c'est que dans l'émission, on a plein de personnages. Oui. Et là, c'en est pas un, en fait. Il c'est un vrai monsieur. Il y a des gens qui pensent que c'est nous qui faisons la voix. Ou ah, pas du tout. Non. Il existe vraiment, il fait pub aussi. Et donc, on l'embrasse, ce monsieur. Maintenant que je connais son nom, on a recherché partout, on a retourné tout Internet. Il n'existe pas. Il est mort. Non, arrête, on n'est pas loin. Mais non, ce monsieur, c'est un passionné de radio, mais il n'y a pas de photo de lui qui traîne sur Internet. C'est incroyable. Attends, je vais mettre ma casquette FBI et je vais te trouver ça. C'est vrai ? On te dit le nom en antenne et tu investigues, ok ? J'investigue. Allez, parfait, c'est vendu. Julien de Roubaix pour régler vos problèmes dans quelques minutes, ça c'est sûr, c'est sans aucun doute, ça c'est sûr. Et les infos qui passent à la trappe, c'est dans quelques minutes, bougez pas. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Non ! Ce n'est pas Jadoul. Non, c'est Julien Courbet. Enfin, il insiste, hein. Julien de Roubaix. Julien de Roubaix. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, nous sommes là et nous allons tout faire pour régler vos problèmes et rendre digeste toute l'équipe qui m'entoure pour faire cette émission avec en piste ce soir Maître Felleneux, l'avocate pénaliste et pénible qui a mis du rouge à lèvres de la marque Lévis, gamme mur humide pour vous susurrer les meilleurs conseils. Bonsoir Julien. Hervé Pouchoir, le négociateur qui s'occupe des appels et que de ça heureusement pour nous tous. Bonsoir Julien de Roubaix. Toute l'équipe est mobilisée pour vous ce soir, bienvenue. L'émission s'appelle... Elle s'appelle comment déjà? C'est sans aucun doute. Ah non, arnaque. Non, l'émission s'appelle « Ça peut vous arriver » et on est évidemment là, comme tous les mercredis soirs, pour vous servir. Et Clotilde est avec nous. Mais avant d'aller sur elle... Oh. Hervé, vous êtes un prédateur. Oh, pardon, excusez-moi. Avant d'aller sur le cas de Clotilde, j'accueille Fabrice dans ce studio. Il va nous résumer son cas lui-même. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Monsieur Julien de Roubaix. Je viens vous voir. Oui Fabrice. Déjà pas de Monsieur entre nous. Hein. C'est détente. C'est le camping ici. Excusez-moi. Madame de Roubaix. Donc je viens ici donc pour mon problème de citerne trouée. Mon voisin s'amuse la nuit à faire des trous dans mon réservoir d'eau de pluie. Oh, et non d'eau de vie. Pardon? Non, c'était une blague. Laissez tomber. Vous avez pu faire une conciliation? On est même passé devant le juge des affaires de voisinage, mais rien n'y fait. Bon, on va appeler le Julien pour en savoir plus. Non, on va appeler le voisin pour en savoir Julien. Non, on va... Julien, moi, m'appeler Julien, et on va appeler Hervé Numéro. Mais pourquoi cette omagie de la sorte envers Fabrice? Une question à laquelle une réponse arrivera peut-être avec cet appel. Julien, cet homme, le voisin Fabrice, s'appelle Didier. Oui, bonsoir, monsieur Julien de Roubaix. Au moment où je vous parle, nous sommes en direct à la radio... Qu'est-ce que j'en ai à foutre, abruti de colère de merde ? Je pense qu'il n'a pas bien saisi mon nom. C'est pas grave. On va avancer aux antennes sur ce dossier. Voilà, Fabrice, on reviendra sur vous dans quelques instants en espérant que son voisin Didier y mettra un peu plus du sien. Julien, je propose qu'on enchaîne. Qui êtes-vous ? Maître Felleneux, Sylvie. Vous me remettez ? Dénudez votre épaule un peu. Ah oui, ça y est, je vous remets, c'est bon. Je vous propose de dire bonjour à Claudia qui vient pour le prochain cas de la soirée. Bonsoir ou salut ! Comme disent les jeunes, tout roule ma Claudia. Je tenais une armerie et j'ai fait faillite. Je recherche à vendre mon stock d'armes de chasse, mais je n'ai pas assez aux enchères de liquidation, car ce sont des armes, je dois trouver une solution. Oh, une alerte, oui Hervé? Oui Julien, je propose de passer un accord. Sur le cas précédent, le voisin de Fabrice, Didier a bloqué notre numéro, nous n'arrivons plus à le joindre. Je propose donc de passer un accord entre nos deux cas, qui n'ont pourtant rien à voir. Maître Felleneux va vous expliquer le deal qu'on propose. Fabrice et Clotilde peuvent s'allier. Fabrice va acheter un fusil à Clotilde pour se venger de son voisin qui trouve sa citerne en trouant le cul de son voisin. Et Clotilde a tout ce qu'il faut pour mettre fin à son histoire. Excellente idée, maître. Non mais oh, enfin, vous songez à ce que je me suicide? Vous êtes satisfaite, alors nous aussi, tout problème a sa solution, surtout entouré d'armes. On ne souhaite pas votre suicide, mais si vous nettoyez votre fusil en regardant le bout face à vous, il n'y a plus de problème dans la vie. Ils sont toujours aussi timbrés, c'est incroyable, ça fait limite peur. Dès 20h, c'est la trappe sur KIF. L'actu connecté et les dernières tendances sont dans la trappe. Le problème quand on fait la séquence de Julien de Roubaix, c'est que je reste bloqué en mode Julien de Roubaix. Et j'ai tout le temps envie de faire des vannes vaseuses et appeler Maëva Maître Felleneux. Qui ça ne pas l'appeler. Et... Ouais, sympa. Non mais c'est incroyable. On passe un très bon moment, un très bon mercredi soir avec vous. Ça fait plaisir de débuter ce mois de mai justement avec les meilleurs conseils de Maëva. Oui, les sorties. Alors on va faire comme d'habitude. On va commencer par le cinéma, mais pas que. Quoi, Netflix? Non, on commence d'abord par le cinéma. C'est ce que je viens de dire. Alors du coup ce mois-ci j'ai vraiment vraiment envie d'aller au cinéma. Il y a plusieurs trucs qui me tendent, dont Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Perso, c'est un de mes films préférés de l'univers cinématographique Marvel, avec toujours des bandes-sons géniales, des personnages très attachants comme l'arbre, la Groot ou le raton laveur Rocket. Voilà. L'arbre, la Groot. Ah oui, c'est vrai. La Groot, je s'appelle Groot. Oui. Vous regardez pas, vous aimez non, pas? Non, pas du tout. Pas... Qu'est-ce que t'as fumé, toi? Non, il y a un arbre qui s'appelle Groot, il y a un raton laveur qui s'appelle Rocket. D'accord. Il faut le dire avec l'accent. Ouais, Groot. Groot. Bonjour, l'arbre Groot. Et d'ailleurs, il y a même un nouveau personnage, c'est une loutre. Voilà, j'ai vu ça dans la bande-annonce. Merci. Voilà, c'est tout. C'est dans les salles dès aujourd'hui et j'ai très envie d'aller le voir. Top. Sinon, ça ne s'arrêtera jamais, je pense. Mais le nouveau Fast and Furious est au cinéma. Ils en sont combien, et c'est combien? C'est le 10e. Et alors, à ce qui paraît, ça y est, c'est le dernier. Voilà. On retrouve encore Vin Diesel, toute sa bande, qui feront donc leur ultime tour de piste. Ils attendent qu'ils meurent tous d'un accident ou c'est pas vraiment, parce que... Sinon, est-ce que... Voilà, j'ai résumé Fast and Furious. Sinon, est-ce que quand vous étiez petit, vous regardiez les Chevaliers du Zodiac? Non, non, pas du tout. Ben, moi non plus, mais voilà. Formidable. Là, normalement, il y a des radios où ils feront semblant, tu vois, non, ils vont faire non. Oh, mais si, mais tout le monde connaît. Mais c'était non, trop bien. Mais voilà, l'histoire de jeunes guerriers qui tirent leur pourvoir des constellations avec. Attends, repose-nous la question, vas-y. Est-ce que vous aviez suivi. Est-ce que vous regardiez les Chevaliers du Zodiac quand vous étiez petit? Mais oui, c'est toute mon enfance. C'était génial, oh là là. Voilà, donc les guerriers avec l'orphelin Seiya, eh ben, ils l'ont fait en film et ça sort le 24 mai. Oh, okay. Mais non. Mais si. Ah, pardon. Non, n'en fais pas trop non plus. Et enfin, toujours le 24 mai, un film aussi très très attendu, c'est La Petite Sirène, l'adaptation du dessin animé Disney, qui a fait parler de lui avec le fait qu'on avait choisi une actrice de couleur pour faire Ariel. Ah oui, oui. Moi, ce que je me remémore juste, c'est les réactions des petites filles de couleur qui découvraient que leur princesse préférée leur ressemblait. Je trouve ça trop mignon. Bref, c'est le nouveau live action Disney. J'ai très très envie d'aller le voir. Live action, c'est quoi déjà, on rappelle? Mais en fait, c'est le fait de mettre en film un dessin animé. Maëva, quoi d'autre? Alors sur Netflix, donc on a la série La Reine Charlotte, donc c'est le préquel de la série Les Chroniques. La Reine Charlotte, c'est celle qui est dans les cuisines de tous les fast-foods. Pas du tout. Non. Non, c'est dans la série Les Chroniques de Bridgerton. Je sais pas si vous aviez suivi. Oui, bien sûr. J'ai déjà vu passer. Non, vraiment. C'est une série de filles. Mais non, c'est une série de filles, voilà. Et donc du coup on voit l'histoire du personnage de la reine qui avait beaucoup plu, comment elle devient cette reine dont la vie fait la pluie et le beau temps dans Bridgerton. Ça sort demain. Ok. Sinon, niveau film sur la plateforme, si vous aimez bien voir Jennifer Lopez à l'écran, on la retrouve dans The Mother, qui sortira le 12 mai. Alors, elle sort un peu de son registre où on a l'habitude de la voir, de type comédie, romantique, etc. Okay. Là, elle est dans un thriller où elle joue le rôle d'une tueuse professionnelle qui sort de l'ombre pour protéger la fille qu'elle a été forcée d'abandonner des années auparavant. Elle travaille chez Marvel. Wow. Voilà. Non, franchement, moi, ça m'a donné bien envie. Ah, ça donne envie, ouais. Ouais, ça donne envie. Et enfin, sur Disney+, c'est une série de 8 épisodes qui est sortie hier, d'ailleurs. Ça s'appelle Une lueur d'espoir. Ça raconte la remarquable histoire vraie de Mip Gis. Je suis désolée, je ne sais pas le prononcer. Mip Gis, c'est la femme qui a tout risqué pour cacher Anne Frank et sa famille à Amsterdam pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un truc un peu sérieux. Ça a l'air vraiment bien fait, bien foutu et très émouvant. Moi, je vais binge-watcher de ça. Comment tu dis? C'est comment le nom? Le nom du. C'est Une lueur d'espoir, le nom de la série. Une lueur d'espoir, ok. Voilà. Bah, alors que dit comme ça, ça faisait un peu film fantastique. Oh, mais qu'est-ce qui apparaît devant moi? Dites-moi. Oh, mais c'est mon espoir, c'est beau! Merci Maëva. Avec plaisir. Jadoul dès 20h sur KIF. La trappe tous les mercredis dès 20h avec Jadoul sur KIF. Je vous laisse deviner si je vous dis. Combini. On reprend une interview qui existe dans le média Combini. On garde les réponses de l'intervenant, mais on change les questions. Et le but est d'être drôle. Cette semaine, l'équipe joue avec monsieur... Yannick Noah. Je suis défoncé. Ça s'annonce bien. On peut revenir sur cet énorme rire qu'il a quand même derrière. Je suis défoncé. Oh la vache. On rappelle que c'est dangereux pour la santé. Kix. Ta réaction quand tu dois passer à la remise des bulletins, mais que tu n'as pas été en cours. Mais qu'est-ce que je fous là à attendre? Bah oui, de toute façon, tu connais la sentence. Très bon. Mais va. Ce que tu te dis quand t'es dans la file pour une montagne russe alors que tu détestes ça. Mais qu'est-ce que je fous là à attendre? C'est vrai, quand t'accompagnes les gosses, qu'ils ont fait « Mais papa, s'il te plaît !» viens avec, oh quelle horreur. En 2023, attendre les audiences radio. Mais qu'est-ce que je fous là à attendre? Très privé de joke. Vous avez tous été drôle, moi j'étais en dessous. Oh. Humble. Oh. Humble, ouais. Humble. Le patron se fait taper. Alors que Yannick Noah, il disait... C'était trop marrant. Ah bah. Merci. Est-ce qu'on peut jouer tout de suite? Bon, oui, on va faire la deuxième, Kix. Il est moins aimable. Hein. Il paraît que tu as pris des cours de chant, ça commence à partir de quand? Pendant l'été. D'accord, ok. Ah, c'est drôle. C'est pour le tacler un peu. Ah, si, si, c'est drôle. Ah, c'est pas très suivi, drôle. Moi. Bah, il veut juste dire que Yannick Noah sait pas chanter. Et... C'est ça. Ah. Voilà, voilà. Comme moi avec l'orthophoniste, quoi. C'est... Mais bah. La meilleure période pour une raclette vin chaud ? Pendant l'été. Raclette vin chaud. Oh. Mais c'est justement ça. Moi, il n'y a c'est pas de bien, saison. Hein. Non, jamais. Oh. Jamais pour moi. Tu ne connais pas la vraie vie. Oh, ouais. Quand est-ce qu'on fait un grand ménage dans son équipe ? Pendant l'été. Oui. C'est bientôt, non ? Oui. Oups. Allez, on s'accroche, hein, les amis, hein, parce que... C'est n'importe quoi. Merci, Yannick. On se fait la dernière question, Kix. Voici un bon d'achat pour aller chez Chaussea, ça te plaît ? Putain, non. Oh non, pas là. Je suis sûr que Maëva avait un truc dans cette veine-là. Non, ça peut pas mieux coller. Quand Kix parle encore de pied à l'antenne... Oh putain, non. Oh non, pas là. Non, mais c'est vrai qu'Yannick, toi, il est tout le temps pieds nus. Hein. Moi, ça me dégoûte. Bon, moi, je la fais. Vas-y. Quand Kix fait une intervention en plein milieu de ma vanne... Oh putain, non. Oh non, pas là. Bon, je trouve que... C'est pas cool. T'es pas cool avec moi. Maëva, comme t'as pas été cool avec Kix... Non, mais n'importe quoi. Oui, voilà. C'est n'importe quoi. Voilà, ça, je vais vous battre. Hein. C'est n'importe quoi. Ah bah si, même Yannick Noah le dit, écoute. t'as foutu la merde dans l'équipe hein, maintenant, Yannick. Ça me fait trop plaisir. Ah bah trop voilà. Plaisir. Dans quelques minutes, on va avoir le FaceTime, c'est le jeu de Kix. Eh oui. Le hockey boomer. Avec Maëva, ce sera quoi ? Je vais parler des avis sur Google. Bon, vous réveillez, madame, pardon. Les avis Google. Les avis Google. Et pourquoi il se passe avec les avis Google ? Bah, est-ce que c'est bien, c'est pas bien ? Ah ! Est-ce que le principe de mettre des avis est mauvais ou pas ? Voilà. Les conséquences sur les commerces. That's life. Ok, bah on se retrouve dans un instant et on en parle. Merci de nous avoir choisis. On est mercredi soir et tout va bien. Dès 20h, c'est la trappe sur KIF. On en ambiance Yannick Noah depuis tout à l'heure. Saga Africa. Il y a quand même qu'une situation où on écoute cette musique, c'est quand on fait la chenille à 2h du mat complètement bourré. Hein. Je dis ça comme ça, enfin je place l'info après. L'actu connecté et les dernières tendances oui. Sont dans la trappe. Et on passe à notre chapitre. Ok, boomer, on va parler des avis Google. Oui, et les conséquences que ça a sur les commerces. Mais d'abord, est-ce que vous utilisez les... Enfin, est-ce que vous allez voir, est-ce que vous en faites des avis Google ? Jamais. Jamais. Mmh. Donc, n'en fais jamais, mais tu vas jamais les consulter avant d'aller... J'en ai fait que 3 dans ma vie. Mais alors, il a fallu atteindre un énervement maximal pour que je prenne le temps d'écrire un avis. Hein. C'était vraiment des coups de colère. Mais donc, finalement, c'est un truc de hater pour moi. Parce que c'est un truc où je défonce l'endroit dans lequel je suis allé. Oui, je vois le genre. Et je vois les mots, un peu comme au restaurant tout à l'heure. Enfin, en début d'émission, on racontait que Kix a toujours peur de ce que je vais dire. C'est ça. Mais en même temps, c'est un couillon, Kix. Il ne dit jamais ce qu'il pense aux gens, ni dans ces situations-là où c'est un métier de service. Et donc, on se doit d'avoir aussi un feedback. Et je ne dis pas qu'il faut dire « Hey, connard, ton service, c'est de la merde !» Ah ! Non. T'es con. Non, mais il faut quand même avoir un retour. Il faut un juste milieu. Il faut pas rester à rien dire, mais il faut pas non plus être trop brusque. Voilà. Comme Kix a peur que tu le sois. Mais oui, mais c'est parce que. Alors, je vais vous raconter d'où vient ce traumatisme de Kix quand même, parce que j'ai l'impression que il faut qu'on prenne le temps d'expliquer ça. Avec lui, on était à Namur dans une pizzeria qu'on ne citera pas, il y en a tellement, on ne pourra pas savoir. De toute façon, on va pas faire de la pub parce que. Non. Oui, ça vaut pas la peine. Et on y va. Et donc, qu'est-ce qu'il prend ? Je vous laisse deviner. Un carpaccio, ouais, évidemment. Et il prend son carpaccio et là-bas, comme partout, ce n'est disponible qu'en entrée. Donc, il le demande en plat. Alors déjà, l'ambiance est à chier dans le restaurant. T'as l'impression que toute la famille se fout sur la gueule en cuisine. C'est pas que l'ambiance. Vraiment pourri. Les plantes sont en plastique. Enfin, y a rien qui va. De là, il parlait mal à une dame, je me rappelle. Il parlait mal à une dame. Ouais. La chaise qui était pas droite, ouais. La table qui était pas droite. Il a fallu tout rafistoler quand on est arrivé. Bref, déjà pas terrible. Ça fait un peu cantine. Mais le restaurant se revendique quand même comme une pizzeria. Ouais. La pizzeria. Prego. Voilà. Sauf qu'on en était très loin, puisque ouais, le mec, il arrive, il fait la pizza, où est la pizza ? Robert, tu me mets, s'il te plaît, une hawaïenne. Le personnage, quoi. Et le pire, c'est qu'il y en a partout des comme ça. Mais là, voilà, on était un peu victime de ça. Et on mange ce carpaccio qui était froid. Froid et pas terrible, on va se le dire. C'est froid. Mais surtout, moi, ma pizza. Ouais, non, vraiment. Pas ouf. Je lui fais goûter un morceau, pas fan non plus. Bon, tant pis, c'est pas grave, c'est pas un resto de ouf, et puis on en reste là. Et on fait pas d'histoire parce qu'on va pas commencer à dire service, machin, c'est juste qu'on n'ira plus et puis voilà. C'est ça. On est intelligent, on va pas s'arrêter là-dessus. On est éduqué. Et la pizza était tellement dégueu, j'en ai mangé que la moitié, j'ai demandé est-ce qu'il m'emballe le reste. Là, le type, avant même que tout ça se passe, il emballe la pizza à l'arrache dans de l'aluminium. Et dans un vieux sac. Il la chiffonne, il la fout dans un sac en plastique et il ne nous regarde même pas. Il jette la pizza, le sac de pizza, comme une vieille merde sur la table. Sans nous regarder. Sans nous regarder. Vraiment, il la balance. Il fait allez, c'est la table. Enfin. Sauf que l'addition arrive. Très salé d'ailleurs. Très salé. Très salé puisque je change de visage. Oui. À tel point que je rappelle le type. Oui, et tu lui as sorti cette phrase qui est magique, mais alors d'un point, tu as dit « Dites-moi, on vous donne l'argent ?» Et là, je me suis dit « Quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il a été dire là ? On vous donne l'argent ?» Et puis là, bien sûr, tu expliques le pourquoi. Bah, oui, c'est surtout qu'en fait, il avait compté donc, ma pizza. On avait pris deux coca, quoi, vraiment, on leur a rien coûté. Il y avait vraiment quasiment rien. Et son carpaccio qui était une entrée, je sais pas moi, à 10-15 euros. Ouais, c'était pas... Il y a un supplément cuisine à 35 euros. Mais quel est ce supplément cuisine ? J'ai dit, écoutez, on vous donne l'argent, qu'est-ce qui se passe là ici, supplément cuisine, 35 euros, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Oui, bon, j'étais un peu en colère parce que déjà que... Mais tu vois, c'est l'agacement de tout ça. Bah même le temps d'attente. Et le temps d'attente, c'était interminable. Bref, on a niqué notre soirée à cause de ça. Et là, l'addition arrive, c'est le pompon. Quoi. Je dis, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça ? Va voir en cuisine. Il va voir en cuisine. À mon avis, il fait mine, hein, parce que il fait demi-tour, il fait. C'est comme ça, c'est ils ont compté ça. C'est vous qui avez pris ça. Bah non. Parce que vous avez mangé l'entrée en même temps que le plat, donc c'est normal. Le carpaccio, on a mis un supplément de 35 euros. Moi, je dis mais à quel moment carpaccio ça commence à coûter 35 euros de plus. Nous, on peut pas maintenant, acheter la cuisine. Vous allez me retirer ce supplément de 35 euros, supplément cuisine qui veut rien dire. Sinon, nous simplement, on se barre et on paye pas. Donc maintenant, vous allez voir comment est-ce que ça va se régler, parce que nous, on va pas payer ça. C'est vrai. Gentiment. Et... Ah oui, ça a l'air. Et là, le mec repart en cuisine, il revient plus. Donc, qu'est-ce que je fais ? Gentiment, toujours, je me lève. Je vais jusqu'à sa caisse et je fais « Alors maintenant, regardez dans votre bazar, qu'est-ce que c'est ça ? Les suppléments cuisine, maintenant vous retirez ça, on règle l'addition et on en reste là. Retirer, supplément cuisine, retirer... Non, on retire. En fait, c'est simple. Kix, à ce moment-là, de nouveau, il était refondu sur lui-même. Non, ça m'énerve aussi, parce que je ne comprenais pas, je ne voyais pas pourquoi un carpaccio à ce prix-là. Quoi. Dans un restaurant, mais on est où ? Et au final, on a réglé le bazar, on est parti, et il nous a raccompagné jusqu'à la porte, en disant « Désolé, un peu mouvementé ce soir. » Je lui dis « Il n'y a pas de problème. » Et j'avance jusqu'à la prochaine poubelle, j'ai tapé la poubelle, la pizza dedans, j'ai fait « pizza de merde, j'ai même plus envie de vous la manger. » D'abord, tu l'as posé sur une moto. Oui, ça fait « Je vais laisser là. » Non, je ne vais pas laisser là. Ouais, j'ai failli la laisser sur une moto, mais trop gentil ça. Non, mais voilà, ras le cul, c'est quand même incroyable. On paye le restaurant dans le prix. Il y a aussi le fait de ne pas faire la cuisine, d'être dans un cadre et de pouvoir profiter du moment. Il n'y avait rien de tout ça. Donc à un moment, c'est normal qu'on est énervé. Voilà. C'était, il fallait que ça sorte. C'était la raison pour laquelle Kix a maintenant peur dès que je fais une remarque au restaurant. Voilà. C'est ça. Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'on disait, Maïva ? Mais les avis Google. Et du coup, est-ce que tu as laissé un avis Google ce jour-là ? Alors, c'était en... Oui, j'ai laissé un avis Google. Une paire de pizza. C'était dans un restaurant où ils nous servaient des canettes à la place d'une bouteille en verre de Coca-Cola. Et en gros, la canette était rouillée de l'intérieur. Elle était trouée, ça devait faire 20 ans qu'elle était dans le frigo. Enfin, j'en sais rien, mais la canette était immonde. Mais ça n'arrive qu'à toi, genre d'histoire. Ben oui, ben voilà, et ça m'est arrivé. Là, le problème que je souligne, c'est que beaucoup de gens se basent sur les avis Google pour aller quelque part. Moi, personnellement, dès que je vais quelque part, c'est mon premier réflexe. Et les avis Google, ben, parfois, c'est pas des vrais avis. C'est des trucs vraiment négatifs. Ah, le concurrent qui va écrire quelque chose. C'est ça, c'est des internautes malveillants qui décident de s'attaquer à un commerce. Parfois, ça devient un véritable règlement de compte. Et c'est pas très objectif. Et parfois, c'est même des faux avis qui ont des graves conséquences sur le commerce, notamment économique. Oui. Et du coup, les commerces se demandent si ça vaut vraiment le coup de continuer. Alors, on se retourne un peu vers Google en se demandant est-ce que ça gère vraiment ça ? La modération. Donc, par exemple, j'ai été chercher quelques avis Google pour voir que ça peut vraiment être du n'importe quoi. Enfin, ici, c'est sur un lycée, c'est lycée nul, les profs sont incapables, ils poussent les élèves au plus bas, l'envol vers la réussite, vous dites, laissez-moi rire, aucun envol de votre lycée. J'ai passé les années, enfin bref, tout un truc ainsi. Et puis en fait, cet élève n'a jamais été élève dans ce lycée-là. Énorme, drôle, c'est génial. Il y a quelqu'un qui répond, mais vous n'avez pas été élève chez nous, enfin, et donc c'est pas ça. Génial. Par exemple, sur la Tour Eiffel, j'avais vu, c'est quelqu'un qui m'est vraiment nul. Ma petite fille n'a rien vu, elle a eu le vertige, c'est beaucoup trop haut. Pourquoi tu... Baisser la tour Eiffel de 100 mètres, elle a payé 20 euros, elle est trop petite, elle n'a pas vu. Ça sert à quoi de... C'est génial. Et enfin, encore, il y en a plein des comme ça. Franchement, il y a vraiment du grand n'importe quoi. Et c'est bien la preuve qu'on ne peut mettre n'importe quoi. Au final, si maintenant on va sur le site de la Tour Eiffel, ça fait un... parfois on ne regarde pas les commentaires, on regarde juste le 4, enfin, sur les points sur 5. Ben, grâce à cette seule étoile pour un avis complètement débile, ça fait baisser la cote. Et donc, si plein de personnes font ça, ça casse carrément le... Il n'y a rien de plus truqué que les avis sur Internet. C'est tout ce que j'ai à dire. Le seul truc un peu fiable, c'est sur Amazon. Quand il y a beaucoup de... Quand il y a beaucoup d'avis, mais je parle de vraiment de beaucoup d'avis, bah, c'est que là, c'est vraiment un peu fiable. Kix, une anecdote ? Bah, moi, par exemple, dans mon école, on dirait un petit enfant qui parle. Y a le... On donne le micro dans le public, mon petit. Le petit Kix. J'allais dire, moi, ma prof, la prof, en fait, elle a carrément dit d'aller sur le site de l'école, enfin, sur la page Facebook, pardon, et de donner mais vraiment tous les critères pour défoncer l'école. Alors que c'est la chef du secteur dans lequel je travaille. Pardon ? Dans lequel je fais mes études, plutôt. J'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe ? En gros, la chef de mon étude... La chef des profs, si tu préfères, a dit aux élèves, bah, si vous avez des trucs à dire, allez sur la page Facebook et lâchez-vous, défoncez l'école, sortez vraiment toutes les critiques, tout, sur la page Facebook. Donc franchement, est-ce que dans l'idée, c'est bien de demander ça aux élèves ? Elle a craqué, Monique Ranou, là, qu'est-ce qu'elle dit là ? Donc ça se trouve, c'est peut-être ce qu'il y a eu ici. En fait, elle était juste pas d'accord avec sa direction. Ouais, je sais pas. Elle est devenue la chef. Ah bah oui, bah voilà. Donc, voilà. Divisé pour mieux régner. Pas la directrice. Quelle honte. Connasse. Bienvenue. Dès 20h, c'est la trappe sur KIF. Dans un instant, le troquet de Jean-Michel sera là. Fallait nous le dire plus tôt. Sera dans la deuxième heure d'émission. Et juste avant, nous allons jouer dans le FaceTime. Oh oui. Bébé, s'il te plaît, c'est l'heure du FaceTime. Vous allez jouer en trois manches. Kix va vous faire deviner des stars avec l'aide de trois indices sonores pour chacune de ses personnalités. Dans ceux-ci, ça peut être un bruitage, un extrait d'interview, ça peut paraître bizarre. Une musique, en clair ou en distordu. Soyez vigilants. Durant une même manche, ces trois sons peuvent former un rébus ou alors être tout à fait explicites. Réfléchissez à voix haute. Mais si vous pensez avoir la réponse, appuyez sur votre buzzer. Bonne partie. Et que le meilleur gagne. C'est l'heure du FaceTime, à table FaceTime. Je vous vois en pleine forme et je sens que vous avez envie de jouer. Mais il fait un peu chaud dans le studio, mais oui, on a envie de jouer. Le soleil commence à disparaître complètement, donc je n'ai plus les reflets immondes que j'avais dans mes écrans. Ah, donc, on va vraiment se cotiser pour acheter un store, vraiment. Je ne rigole pas. Ou un petit rideau, là, une petite tendue. Ou... Non. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de ton sac qui traîne dans le couloir du studio ici avec. Je pense que tu as volé ça, Gare du Nord, dans un petit salon érotique. Qu'est-ce qui va sortir comme bêtise ? Mais qu'est-ce que c'est que cette couverture zébrée en peau de léopard ou je sais pas quoi là ? Mais enfin, mais on ne juge pas ! Mais qu'est-ce que c'est ? C'est parce que j'étais dormir chez quelqu'un et c'est le seul drap que j'avais, le seul truc que j'ai pu prendre, c'était une petite couette et un coussin. Et ça rentrait facilement dans mon sac, donc j'ai pris ça. Et donc c'est un coussin et une couette léopard ? C'est ça. Enfin, zébré plutôt, ouais. Ah, c'est, enfin, bon. C'est libidineux, vous verriez son truc, t'as l'impression. Alors pour 15 euros, tu fais quoi ? FaceTime ? Oui, FaceTime, première personnalité. Ouais. On vient de perdre 12 auditeurs. 15, 30, 209. On a perdu tous nos auditeurs. Mais tais-toi, on n'entend rien. C'est indiffusable. C'est dégueulasse. Ah, mais ça fait exprès en même temps. Hein, oui. Bon, je ne sais c'est pas. Deuxième indice. C'est l'impression. Pas l'idée ? Non. Bah, avec Jadoul qui a parlé dessus, j'avais entendu. Mais j'avais mal aux oreilles. Bon, bah, deuxième indice. Muse, who owned one of the most popular hair salons in Naples, was raised in one of her daughter's neighbors then by her father Matthew. The sales executive who became a manager. You've been doing this since you were 9 years old. Ah, c'est compliqué. And spider Muse, who owned one of the most popular hair salons. J'ai l'impression de faire un cauchemar. J'ai l'impression d'être dans un rêve distordu. Bon les amis, il faut y aller là. Hein. Bah pas oui, bah, toujours troisième, vas-y. Pourtant, ils ont donné la réponse en plein dedans. Hein. Si vous étiez attentif, la réponse était dedans. Bon bah, troisième indice. Bah ça va. On y va. Non, ouais, non, je... Pas d'idée, personne. Bah alors je dirais... Thierry Ardisson. Mais pourquoi ? C'est quoi le rapport ? Bon. En fait, j'ai envie de donner le bonus, mais si je donne le bonus, vous allez trouver là, quoi cette musique. C'est la musique d'entrée des stars chez Ardisson dans Salut les Terriens à l'époque. Ah, c'est peut-être ça, je ne sais pas. Mais c'était pas cette musique-là, c'est pour ça que j'ai failli buzzer, mais non. Je vous donne le petit bonus, mais vous allez trouver direct alors. Ah bah du coup, oui. Mais c'est Beyoncé. C'est ça, bonne réponse de Maëva, c'est Beyoncé. Mais c'est une énorme vanne, moi pour la blague, j'ai été chercher le son de Beyoncé. Je l'ai mis, et pour la blague, hein. Oui, c'est vrai. Et j'ai dit Thierry Ardisson, mais je suis à des années-lumière de la bonne réponse. On est jeune, on est un peu impétueux et fougueux. Et donc c'est vrai que parfois on aimerait espérer vivre du rap, mais bon, c'est des choses tellement éphémères. Enfin, c'est des choses tellement aléatoires. On peut pas le gérer, quoi. Voilà, exactement. Aléatoire, c'est le mot que je cherchais. Alors, qui ça pourrait être? Ah, c'est un rébus. Ça va un peu vite. Deuxième indice ou réponse directe? Franchement, totalement Big Flo et Oli. Bonne réponse. C'était Big Flo et Oli. C'est juste. C'est ça. Mais quoi? En plus, j'avais un doute. Ouais, ça doit être Flo qui parle là. Ou... C'était en 2012, lorsqu'ils avaient été interviewés à la sortie de leur lycée. Ils faisaient un concert de rap. Et donc là, c'était en 2012. Ouais, ok, cool. Vas-y, troisième manche. Troisième manche. Une idée, pas d'idée? Personne? Allez, moi je buzz et je suis sûr que je vais taper à côté. Et je dirais François Cluzet. Mauvaise réponse. Putain, c'est l'autre, c'était mais c'est l'autre. Bah oui, c'est l'autre. Oui, évidemment. Vas-y, deuxième extrait. Deuxième indice, sauf si Maëva veut. Non? Oui? Non? Bon. Non. Service après-vente, bonjour. C'était la musique d'Intouchable, c'est. Omar Sy. Bonne réponse, c'était Omar Sy, Maëva tout gagné. Et franchement, t'as dit le monsieur que t'as dit, je ne le connais pas. Oui, c'est celui des services après-vente, mais je ne connaissais pas son nom. Non, c'est pas Fred. Non, c'est pas Fred Testo. François Cluzet, c'était le deuxième personnage principal de Intouchable. Et donc, j'ai donné celui qui était à côté, comme la manche précédente, j'ai donné celui qui était à côté. Trop vite, hein. Maëva, t'as gagné. Et moi, franchement, je suis pas stressé. Merci, très bonne séquence, bravo Kit. Bravo, hein. On s'amuse bien, hein. Chouette émission. Bravo Maëva. Avec plaisir. Bravo. Et Omar Sy. Omar Sy. Sinon, si vous voulez, j'avais encore le son du homard. Hein. Non, on s'en fout. Les amis, comme vous pouvez le constater, j'ai vraiment un beau homard. C'est les pêcheurs de Boulogne. Voilà, les pêcheurs de Boulogne. Je quitte cette émission. Dès 20h, c'est la trappe. De puissance sonore et 15 000 watts de puissance lumineuse. Tous les mercredis dès 20h, c'est Jadoul sur KF. Didier Jajin. On custom toujours le générique avec tous les sons qui nous passent sous la main. Ça nous va bien. Ce qui donne ces trucs horribles. Ce soir, c'est Jadoul qui pilote. Bientôt, on fera cette émission, mais vraiment comme des forains. Et là, on pourra se poser des questions pour la saison prochaine. Ah, au moins, on est connu grâce à ça. Ah oui, bah, c'est notre succès. Hein. Vous savez quel est notre petit surnom dans les autres radios? Non, pas du tout, dis-nous. Ah bah vaut mieux pas le savoir. Et je vous propose qu'on fasse nos infos qui... Passe à la trappe. Bonne réponse. La première, l'orchestre de chambre du Danemark a auditionné des chiens pour participer à un spectacle de musique prévu en septembre 2023 lors du festival Haydn de Copenhague. Ok. Deux chiens sont sélectionnés pour accompagner la symphonie de Mozart Père intitulée La Chasse. Voilà, c'est la fin de l'info. Hein. Non, mais il faut déjà le faire, déjà, pour avoir des chiens qui chantent. Oui. Qui dans le monde fait ça? Non, je sais pas. Bon, qui est prêt à faire le chien, là? Moi, je... Vous non, imaginez le délire? Chien numéro 1, Rex, c'est à toi. Chien numéro 26, Pitchune, quand tu veux. Chien numéro 73, Gribouille. Nous allons dénommer... On est où? Ça va donner les résultats. La grande gagnante est Pitchoune, les deux autres. C'est de pire en pire, ces infos. Mais qu'est-ce qu'il fume pour écrire ça? Deuxième info, une jeune maman a raconté l'histoire de ses beaux-parents qui ont refusé de rencontrer leur petit-fils en raison de son prénom. Selon la tradition de la famille des beaux-parents, le fils aîné de chaque génération doit porter le nom de Pété. De Peter. Peter, oui. Pété, on va dire. Excusez-moi, je suis fatigué. Cependant, la mère a expliqué que cela était impossible car ce prénom rappelait un événement tragique de la famille. Bien que les beaux-parents aient insisté pour que la tradition soit respectée, le bébé est né avec un autre prénom. Les beaux-parents ont été furieux et ont offert pas moins de 1000 euros à la mère pour qu'elle change le nom de l'enfant. Ah oui, on était carrément sur une rançon. Achat de gosse. J'achète le gosse, on change le nom. Depuis lors, les beaux-parents n'ont pas vu le bébé, ce qui a créé des tensions au sein de la famille. Je vous laisse deviner qu'il n'a pas changé de nom. Il ne s'appelle toujours pas Peter. Dommage pour les beaux-parents, hein. Leur nom de prédilection pour leur petit-fils. Mais au moins, ils peuvent toujours apprendre à écrire un nouveau nom sur leur carte de vœux de Noël. Bah ah, oui, c'est pas con ça. Il n'y a pas que Peter dans la vie. C'est vrai. Et c'est super rentable, t'imprimes 100 cartes de Noël Peter et tu les distribues durant 15 ans. T'es tranquille, toute la famille en a. C'est génial. Ça, c'est bien pensé. Troisième et dernière info, le naturisme FFN Rhône-Alpes organise une exposition intitulée Incarnation, le corps dans la collection de Marc Lyon, acte 1. Ok. Où les visiteurs sont invités à être nus, bien sûr. Ah. Le musée considère cette exposition comme une occasion de visiter les œuvres d'une manière inédite. Oui, je veux bien comprendre. Oui. Ouais. Monsieur, oui. Vous devez également entrer sans votre slip. Hein. Bien essayé, hein, mais votre idée. Oh, merci de nous avoir choisi. Dans un instant, Jean-Michel sera là pour son troquet. On va jouer au combien ça mesure. J'ai quoi de nul. Et... nul, là, pas nul. Noël, ça... Jadoul, dès 20h sur KIF. Tous les mercredis dès 20h, c'est avec Jadoul. Dans la trappe sur KIF. Ding dong, devinez qui est là, Maëva. Falminioul. Oui. Les deux gugus de Radio Falminioul sont de retour. Et justement, Guy est de retour de vacances, l'occasion de se rendre dans cette magnifique radio locale. Trop souvent oubliée. Que même toute la Belgique ne la connaît pas. Mais on comprend pourquoi quand on les écoute. Au cœur d'un paisible petit village de Wallonie, chaque jour, René l'animateur et Guy de la Sono œuvrent à transmettre de la joie sur les ondes locales de Radio Falminioul. Des moments de vie exceptionnels que l'on vous offre. Découvrez le jour où Guy est revenu de ses vacances. Le premier café du matin, quel bonheur. Cette odeur. Oh Guy, t'es déjà là, t'es déjà arrivé? Ah oui, je suis revenu très tôt ce matin. Ah, ça fait plaisir, t'as même pris des couleurs. Ça a été ta petite semaine de congé? Ah, c'était magnifique, magnifique mon cher. Oh, toute cette nature et ce côté sauvage, oh là là là là. Merveilleux. Et le paysage était beau, là où tu as été, c'était où? Écoute René, je ne connaissais pas du tout. C'était une espèce de camping, mais vraiment super. Alors là, un vrai coin paradisiaque. Attends, j'ai fait des photos, je vais te chercher mon appareil. Oh, et t'as déjà eu le temps de développer les photos. Oh, non, cache-moi ça, Guy. Oh, bah, de quoi, cacher quoi? Bah, tes noix de coco, hein, j'ai pas besoin de voyager dans ton petit coin paradisiaque, moi, hein. Ah oui, j'ai pas habillé mon bas du corps. Désolé, mais j'ai gardé l'habitude de vivre léger. Là-bas, tout le monde avait les coquilles à l'air, au moins. On risquait pas d'avoir des pickpockets. Ah non. Ici, il y avait seulement des piques-caquettes. Mais depuis, j'ai un petit souci. J'en ai la courgette qui pleure. Elle a dû attraper un rhume, la pauvre. Je vais vomir. Oh, ça va, Guy. Et parle-moi les détails. Ah, mais mon cher René, je ne t'ai pas dit. Ah, j'ai enfin trouvé l'amour. Il était temps. Ah, ben oui. Viens. Viens, ma Janine. Viens près de moi. Voilà. Voilà, vas-y, installe-toi, ma belle Janine. Ah, qu'elle est belle. Ah, c'est une belle Janine, ça, oui. Oh, oui, c'est une belle Janine. Mezzanine? Non, pas mezzanine! Belle Janine! Non, mais j'y crois pas, Guy! Ah. Arrête! C'est un singe! C'est une guenon, mon cher! Oh! Quelle est belle, ma Janine! Hein? Allez, fais bisous! Fais. Voilà, va! Ah. Vas-y, montre à René comment tu fais bien le pique-caquette! Vas-y, montre! Montre-lui, vas-y! Oh, n'aie pas peur, il mange pas! Ah. Ah, tu vois, elle le fait bien. Vous pouvez constater que la FM a encore du punch. À bientôt pour de nouvelles aventures chez Radio Falminioul. Ça a vraiment été mis la fin ? Oui, la fin a été mise. D'accord, oui. Ok. Je pensais que ça allait rester un déchet d'enregistrement. Oui, je le pensais aussi. Il aurait peut-être fallu. Oui, mais voilà, ça reste Radio Falminioul, donc... Je pense qu'il faut rien dire derrière ça et juste enchaîner, hein. On passe à la suite. Genre, par exemple, Maëva, le fallait nous lire plus tôt, tu vas nous parler de quoi ? Des micro-ondes. Elle est exaspérée, elle est en colère. Les micro-ondes, t'as un problème, mon con ? Ben non, pas du tout. Les micro-ondes, qu'est-ce qui se passe avec les micro-ondes ? Eh bien, sur la vitre où on voit à travers, il y a toujours comme une petite grille, là, des petits points. Ah, pourquoi ? Oui. Pourquoi on ne peut pas juste bien voir à travers ? Ah oui ! Pour comme par un four, par exemple, c'est juste transparent et on voit. Mais dans les micro-ondes, il y a toujours un petit... Oui, c'est bien chiant, grille. En fait. Oui, voilà, pourquoi ? Et c'est chiant à nettoyer aussi. Bon, on en parle dans un instant. Toi qui es orthophonie. Mais qu'est-ce que tu voulais dire, Kix ? Ben non, moi, je voulais dire, c'est peut-être parce que ça fait mal aux yeux, sinon, quand on regarde. Mais voilà. C'est pas fait pour regarder, c'est pas une télé. C'est pas faux. Des 20h, c'est Jadoul sur KIF. Toi qui es orthophoniste, tu ne les as jamais vus dans ton cabinet. C'est normal. Dans la trappe, c'est le moment de les découvrir. Bonjour. Des 20h, c'est Jadoul sur KIF. La séquence s'appelle « Fallait nous le dire plus tôt ». Et le principe est assez simple. Eva va répondre à une question que personne ne se pose, mais dont elle a quand même enquêté pour savoir le micro-ondes. Voilà, le micro-ondes, ou plutôt l'espèce de petite grille qu'on voit sur la vitre. Oui, bah, Kix. Je sais pas, tantôt j'ai dit que c'était pour les yeux, vous m'avez dit non. Bah, on voit que ça fasse mal aux yeux. Alors déjà, c'est pas fait pour regarder, puis tu vois quand même un peu à travers, mais à travers ce grillage. Moi, je pense que c'est pour éviter que la vitre, elle fonde, parce qu'il y a des ondes électromagnétiques qui se balancent. Oui. Alors, tu réfléchis, toi, c'est bien, c'est réfléchi. Oui, parce que des fois, le Tupperware, ils font. Parce que c'est du plastique, et comme la vitre est en plastique. Quelle est la réponse, Maëva ? Alors... Ça a dit en partie la bonne réponse, mais t'es peut-être un peu allé loin. Mais si ça fond déjà, c'est pas à cause des ondes, c'est à cause de la chaleur. Pardon. Voilà. Mais oui, c'est ça, c'est pour retenir les ondes. En fait, ça a un nom. D'abord, ça s'appelle la cage de Faraday. Et c'est utilisé pas que pour les micro-ondes, pour les autres appareils à base d'ondes. Je ne sais pas du tout de quoi on pourrait avoir d'autres ondes. C'est dans les appareils scientifiques, on va dire. Et voilà, c'est vraiment pour retenir les ondes. Déjà, pour que ce soit plus efficace, parce que si les ondes s'en allaient, il y aurait moins d'efficacité, ça s'échapperait. Donc là, c'est bien condensé, donc ça permet de réchauffer plus vite. Okay. Et aussi, c'est pour éviter que ce soit nocif, parce que ça ne doit pas être super bon d'avoir des ondes qui se baladent. Voilà, c'est tout simplement ça. Non, Kix. Ce n'est pas une cage de Faraday. Ah, une cage de Faraday. Faraday, oui. Mais farfale, non ? C'est un terme très... Allez, on passe au deuxième. Alors celui-là est un petit peu plus facile. C'est le petit élément en métal pour ouvrir les canettes. Ah, le... Le pardon ? Le... Oui, ça a un nom, ça s'appelle l'anneau de Rivet. Qui ? L'anneau de Rivet. Ouais. Alors, pourquoi il y a un petit trou au bout ? Ah, pour tenir la pourquoi paille. Pourquoi c'est pas juste un morceau de métal et bam, on fait comme... Non, j'arrive pas à le faire si bien que Jadoul. Voilà. Toi, tu fais bien. Je viens de le faire avec ma bouche. Oui, je peux le refaire, attention. Avec les dents du fond. Ouais, c'est ça. Voilà, pourquoi c'est pas juste un simple morceau ? Pourquoi il y a un trou ? Un trou dedans ? J'en ai aucune idée, moi. Et tu vois bien Kix, le trou ? Une idée ? Oui, je vois bien le trou, oui. Voilà, ça c'est fait. Kix a une idée. Ben, j'avais donné une idée avant, mais je pense qu'elle est passée un peu... À la trappe. Ah, t'as pas entendu, dis-nous. Non, vraiment ? Oui. Ah, ouais. On t'a pas écouté, oui. J'avais dit peut-être que c'est pour tenir quelque chose en particulier, mais... Du coup, il semblerait, en voyant la tête de Maëva, que ce soit ça. Alors, mais tenir quoi ? C'est ce que j'allais dire. Bah, j'avais dit une paille tout à l'heure, si on remet en arrière. On t'a pas entendu. Bah non, alors, personne m'écoute. Je ne t'ai pas du tout entendu. Mais voilà, j'imaginais que vous alliez chercher des trucs un peu comme Jadoul qui n'ont rien à voir, mais c'est tout simple, c'est vraiment pour tenir la paille. Mais non. Tout simplement, oui, si. En mais fait, si, que... si tu cliques pas. Mais toute ma vie, moi j'ai coincé mon petit doigt dedans, c'est vrai. Et sans aucune utilité, je le casse, ce petit. Comment ça s'appelle ? L'anneau de Rivet. Ouais, l'anneau de Rivet. Mais alors, attendez, démonstration, si tu l'ouvres, plutôt que de le faire tomber, tu mets là, comme ça, tu le remets en arrière et tu pivotes de 180 degrés, t'as ce fameux trou qui est au-dessus du trou de ta canette et tu n'as qu'à planter la paille et ça te tiendra, elle ne bougera jamais. Comme dans un gobelet, par exemple, en plastique avec le couvercle spécial. T'as bien fait de garder l'une des 6 canettes de bière que tu t'es enfilée avant l'émission. C'est de l'Aquarius. Ouais, c'est ça. On a pu au moins voir à quoi ça ressemblait. Merci Maëva. Avec plaisir. Dans un instant, ça vous dérange pas? On fait encore un peu de radio et puis on lance le titre. Hein. Bonjour. Bonjour. Je disais, Jean-Michel va arriver. C'est bien ça. Je sais. Une émission brassée avec notre savoir-faire, se déguste avec sagesse, à consommer sans modération. Wow. Dès 20h, c'est Jadoul et toute son équipe sur KIF. Maëva, je te laisse faire les préparatifs. Oui. Voilà, merci. parce qu'il faut évidemment s'adapter. Monique, accordéon. Toujours là. Et jamais une fausse note. Bravo, Monique. Elle est trop forte. Elle a les seins qui sont plus bas que l'accordéon, mais... Non, j'ai rien dit, Monique, arrêtez, continue à jouer, s'il vous plaît. Et on va faire la liaison avec notre Jean-Michel. Oui, il faut prendre de ses nouvelles, même à distance, on se connecte. Il a son casque, il a son micro, depuis son troquet. Et on va prendre des nouvelles de notre... J'ai pas de mots. Ah, de lui, quoi. Il n'y a rien pour le qualifier, C'est Jean-Michel. C'est Jean-Michel. Il est unique et c'est pour ça qu'on l'aime. Allez, on va se connecter. Bonsoir, Jean-Michel. Ah, je pense que le micro fonctionne, mais je pense qu'il ne m'entend pas. C'est dégueulasse. Jean-Michel ? Jean-Michel ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Bonsoir, oui, c'est ça. Attends un peu, Jadoul, parce que là, je suis un peu occupé avec ma télé. Elle va bientôt voler par la fenêtre, hein, tu sais. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec votre télévision ? Je ne comprends pas. Ça fait une demi-heure que j'essaye de formater l'écran. Je passe de 16:9 au 4 tiers, mais rien à faire, hein. Les personnages restent tout petits. Bah, essayez de zapper un peu, c'est peut-être un problème de chaîne en elle-même. Bon, ça, c'est pas bête, hein, d'accord. Bah, je change de poste alors. Oh non, mais c'est pas possible, alors c'est trop, hein. Oh, je savais bien que c'était cette télé qui n'allait pas. Vous dites, par hasard, vous n'êtes pas passé de l'émission Fort Boyard à Joséphine Ange Gardien? Oui, mais quelle importance. Si tu veux, je te la vends, ma télé, hein. Comme ça tu pourras regarder tes émissions en plantille, hein. Non, mais je vous sens un peu tendu, Jean-Michel. Pour votre télé, je pense que le souci n'est pas le format, mais les acteurs. Passepartout et Mimimati sont des personnes de petite taille. Il faut donc pas régler votre télévision, ils sont tout à fait normaux. Oh, on allait dire que je faille racheter une nouvelle télé. Bon, dis, Jadoul, tu penses qu'ils mettent des petits personnages, enfin des personnages de petite taille, car ils la payent à moitié prix ou quoi? Mais non, mais enfin, Jean-Michel, je peux pas vous laisser dire ça. Non. Attendez, on peut pas poser des questions comme ça. C'est des blagues lourdes qu'on faisait il y a encore 5 ans, mais on peut plus les faire maintenant. Mais ça veut dire oui ou ça veut dire non? Allez, hop, tiens, voilà. Hop. Oh bah zut, oh bah, ça a coupé, on a plus la liaison avec Jean-Michel, on n'entend plus. Oh, que c'est dommage. Bon, bah on va passer à la suite. Hein. Dès 20h, c'est la trappe. On peut faire des blagues sur qui, nos joues? On peut même plus faire des accents ou des vannes sur Maëva. Alors Jean-Michel, on n'est pas tiré d'affaire, ça je peux te le dire. Mais... Des chauffeurs dans Bruxelles, et la soirée est longue. Avec la trappe, la route passera beaucoup plus vite. Jadoul, dès 20h, sur KIF. On est avec vous pour vous accompagner ce soir, avec un jeu. Un jeu bien précis. Mais lequel? Le combien ça mesure qui est de retour. Et nous avons une spéciale, étant donné qu'aujourd'hui c'est la journée du soleil. Nous allons faire une spéciale rayon de planète. Ah. Vous allez devoir me dire si c'est plus ou si c'est moins. D'accord? D'accord. Ah, allez, okay. Je suis prêt. Enfin, on est prêt, je pense. Ouais. J'ai l'impression. Le rayon des planètes. D'accord. Ah, mais attends, mon petit frère il m'a expliqué tout ça et moi j'étais là, oui, je connais. Et t'as rien écouté, je suis sûr. Et les rayons des planètes, c'est à côté de quoi? Des fromages, non? Ok, d'accord. Surgelé, peut-être? Le rayon de j'ai pas des suivi. Des planètes, d'accord. Okay. D'accord, bah oui, si tu veux. C'est quelle surface? Quel supermarché? Non, ok. C'est pas grave, ok, d'accord. On va passer à notre première question. Kix? Oui. La Terre, elle a un rayon de 6432 km. Plus ou moins? Je dirais, juste pour le fun, je dirais moins. Bonne réponse. Elle fait 6371 km de rayon. Jupiter pour Maëva. Ouais. 50 911 km de rayon. Plus ou moins? Plus. Non, attends, 50 000. Attends. C'était combien la Terre? 6000 et quelques? Bah, moins alors. Ah, bah, elle fait 69 911 km de rayon. On continue notre voyage. Vers Mars. Le rayon fait 3389 km, Kix. Plus ou moins? Moins. C'est plus, 3389 km. 0,5. Voilà, c'est pour ça que c'était plus. Oui, le 0,5 est important. Saturne pour Maëva, 59 563 km de rayon. Moins. Et c'est plus, 58 232 km. Uranus pour Kix. C'est là où il vit le reste de la semaine. Un rayon de 22 430 km. Plus ou moins ? Plus. Non. Bonne réponse, 25 362 km. Et la dernière, c'est pour Maëva. Vénus a un rayon de 7 510 km. Plus ou moins ? Vénus, plus. I'm your Venus. Non, c'était moins. 6051,8 km. Ça nous fait combien les points, Maître le vent, Maître les voiles, je sais plus comment il s'appelle. Bon, ça fait, je sais plus laquelle accent j'ai. Bonjour, c'est ça. Je sais plus, j'ai 36 000 accents. C'est deux pour Kix. Deux pour Kix. Il n'y a plus d'effort. Il n'y a plus d'accent, il n'y a plus rien. Exceptionnel. Bon, deux pour Kix. C'est ça. Et Maëva ? Bah, malheureusement, elle n'a pas gagné de points. Je crois que c'est la seule fois, d'ailleurs, on va l'écrire dans le calendrier. Bravo, Kix, tu remportes un jeu et Maëva tire une sale gueule. On a réussi notre coup. Dès 20h, Jadoul et son équipe dans La Trappe. Si vous trouvez que les soirées sont longues et chaudes, vous trouverez le mercredi soir très court. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Vous connaissez évidemment notre passion. Notre passion pour l'émission Enquête sur RTL TV avec Inspecteur... La Bavure. Non, Maëva. Bertrand Carrois. Que tu aimes beaucoup. Je le déteste. Alors bon, cette semaine, un défaut de contrôle technique a été détecté par une patrouille. L'inspecteur Bertrand Carrois a été évidemment appelé en renfort. 2 ans que le contrôle n'a pas été passé. Cela reste une sacrée période. Bonjour. Et pourquoi vous ne passez pas ? Non, attendez. Oui, j'ai oublié de vous dire qu'on a une deuxième passion dans la vie, c'est les gens inconnus qui font des vidéos au fond d'Internet. Donc attention, voici du lourd. Bonjour. Bonjour. Et pourquoi vous ne passez pas ? Et pourquoi vous ne passez pas ? Parce que là, je vous assure. Oui. Oui. Vous dites toujours que c'est quand ça va arrêter. Et voilà. Il y a un mec qui a ouvert une chaîne YouTube uniquement pour doubler toute l'émission en intégralité chaque semaine avec sa voix. Le problème, c'est que j'ai 2 ans. Mais j'en ai même parlé avec mon fils. Mais encore, je vais l'avoir au téléphone. Je vous assure que j'en ai parlé il y a 2 jours. Et là, je me fais arrêter. Go. Mais c'est même pas perdu sur le net. Je ne comprends pas. C'est dans les poubelles, là. Pour vous dire à quel point notre équipe est tordue, vous savez comment s'appellent ces vidéos ? Sans titre 2. Hein ? Donc ça veut dire que introuvable avec un moteur de recherche, je ne sais pas comment notre équipe a réussi à trouver cette vidéo. Mais bon, on l'a là, voilà. Donc le mec, il fait un doublage. C'est généralement, vous savez, le doublage qu'il faut pour traduire quand oui. Il faut rendre intelligible certains passages ou qu'il faut passer d'une langue à l'autre. Pas comme au gouvernement ou quoi. Oui, c'est ça. Des... Sauf que là, je pense que le mec, il s'est juste fait un kiff. Le problème, c'est qu'on a de plus en plus de personnes qui ne sont pas en ordre de contrôle technique. Ça va commencer à poser un énorme problème. Maintenant, on a déjà un souci avec les rendez-vous, parce que les personnes attendent la dernière minute pour prendre un rendez-vous. Donc, on a des dépassements de contrôle technique et quelques jours, voire une semaine ou deux. Mais alors maintenant, si en plus, on doit commencer à accumuler plusieurs mois, 1 an, 2 ans, on n'en sortira jamais. Hein. Bon, alors le problème, quand on fait les voix de tous les personnages, c'est important de ne pas se tromper de voix. Mon neveu a un garage. Non, mais justement, t'avais 2 ans. Votre neveu, il n'a pas depuis hier. On dirait Kix quand on passe de Kix à Maître les Voiles. Bonsoir, Kix. Bonsoir. Maître les Voiles. Bonsoir. Là, non. C'est ce genre de problème. Bon, on l'embrasse quand même, ce monsieur qui se donne, j'ai l'impression, quand même beaucoup de mal pour. Faire le doublage de son truc. Il a son garage. Mais voilà, c'est même passé. Moi, je lui dis pas le contraire non plus. Vous comprenez ? Le passer par lui, parce qu'il y a énormément de demandes. Et même s'il y a énormément de demandes, à certains moments, je vous promets, je vais le faire. Mais je suis gentil. Les promesses, je veux bien. Mais je sais que beaucoup de gens vous font des promesses. Tout le monde nous fait des promesses. C'est ça le problème. Ouais, mais ici en prod, on a remis l'original par-dessous parce que là, vous venez d'entendre la vraie version à blanc. Ok. Ah oui. Ah oui, la vraie version, il n'y a pas l'original en dessous. Il y a quoi ? C'est quoi ? Il y a juste ça ? C'est ça sa vidéo ? Alors sa vidéo dure le double du temps de l'émission car il regarde l'émission, il écoute la phrase, on l'entend faire pause. Et puis il la comprend. Il la comprend et il la récite. Oh. Et il refait play. Hein ? Et pause. Il comprend, il la récite. Voilà, et ça dure comme ça toute l'émission. Avec le contrôle technique de 2 ans, ça verbalisé. Vous allez être verbalisé. Est-ce que vous voulez la saisie? Non, on va pas la saisie. Tout le monde verbalise. Que je le conçois. On a vérifié au niveau de votre assurance. C'est bon. Ouais, c'est très très loin. Quand vous habitez à côté de ce mec, vous avez 10 personnes pour tapage nocturne pour le prix d'une. Hein. C'est quand même incroyable. Bon, y a des fois où ça fait vraiment mal. Hein. Si on vous met le vrai son derrière, ouais, ça sera mieux peut-être. Ce sera plus digeste, hein, parce qu'il faut qu'on comprenne quand même la fin de cette histoire. Est-ce que la dame s'est fait verbaliser pour son défaut de contrôle technique? Est-ce que ça se termine bien cette histoire? Réponse. Vous êtes en immatriculation, il n'y a que le contrôle technique. Vous allez être verbalisé pour votre contrôle technique. Parce que là, 2 ans, voilà, donc ici 2 ans, c'est important. Votre assurance, et voilà, vous avez de la chance. L'immatriculation, et voilà, vous avez de la chance. Maintenant, le PV de contrôle technique, ça. Vous savez, moi je vous explique tout. Pour ça, on ne peut pas dire, tiens, il est verbalisé, je ne sais pas pourquoi il est verbalisé, donc on explique tout. Ici, c'est un cours en réalité, parce qu'on vous donne, donc c'est ça, ça va. Donc ici, on va acter l'audition et on va regarder à ce niveau-là. Il y aura un PV et la conductrice devra cette fois vraiment passer son contrôle. Après 2 années sans vérification, il est grand temps pour elle de se mettre en ordre. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Blanklette, juste après ça. Ladies and gentlemen, it's time. Et puis je connais rien d'autre en anglais, donc c'est l'heure de faire le blanklette et on démarre la Music Machine. The Music Machine. The Music Machine. Pardon, je suis désolé. Non! Allez, vas-y, remets. The Music Machine. The Music Machine. The Music Machine. The Music Machine. Non! Allez, ça va! Mais c'était pas celle-là! Ah oui? C'est ta. Voilà. Bah, c'est pas grave, on recommence alors. The Music Machine. On diffuse jamais les bennes en radio. Non, c'est vrai. Non, on devrait, hein. Oui. Imagine, ça se trouve, il y a des gens qui passent et qui disent c'est bien, c'est bête. Oui. J'aime bien. Ça n'arrive qu'ici et chez le roi du matelas. c'est vrai. On prend jamais le temps de diffuser les bennes. Alors, nous allons le faire ce soir. Voici les 14 minutes du bed. Jadoul, saison 4, Good Boys, machin. Pourquoi Good Boys? Parce que je pense... Parce que t'es un bon garçon, Jadoul. Non, Nikos, non. Good Boys. Nous allons passer à la séquence. Je pense que le titre original, c'est Bongo Cha-Cha-Cha de Good Boys. Ok, ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça, je pense. Voilà. Merci. C'était la minute explicative. Le principe du blanklet vous est résumé par Maeva. Alors, on écoute des vidéos de TikTok qui sont des reprises de musique et on doit deviner les vrais titres. La plupart du temps, c'est moi qui gagne et qui s'y essaye. Ça va. Voilà, merci. Tu vas voir, aujourd'hui, je vais perdre pour une fois. Bon, calme-toi, Tata. Là, ici, Kix, je le sens motivé. Hein, Kix? Ouais. Vous devriez voir la position qu'il a. Je suis motivé. J'ai jamais vu un type autant affalé dans une chaise. Heureusement que le bras du micro est long pour atteindre lui affalé dans une chaise. Mais il fait chaud aussi, merde. Hein, oui, mais c'est pas parce que la chaise elle fait un pli à 90 degrés que tu dois faire pareil. C'est vrai, voilà, je remets tout en place. Mais t'as un corps très flexible. Et ça donne bien, hein. Parce qu'on est chez les professionnels. Ah oui, quand on se redresse, ça fait bien, mais du coup. Ouais. Allez, voici le premier extrait. Adèle, Rolling in the Deep. Version TikTok. Mais c'est quoi cette réverbération? Oh, il est mort après. Mais il y a une réverbération pourrie. C'est vrai, c'est horrible. Et, et je vous rassure, enfin je vous promets surtout, c'est pas moi qui ai fait la sonorité comme pour le FaceTime. Hein. Je n'ai rien modifié. Le son pourri, en fait, je vous explique, c'est les micros qu'on achète chez Action pour 3 euros là, qui font des effets. Ah. Oui, c'est ça. Qui donne ce petit grain à la voix qui est absolument fabuleux. Maître Lévoile, bonsoir. Bonsoir. Vous mettez un point à Maeva? Oui, je mets un point pour Maeva. Allez, bon, parfait. Je fais un point pour Maeva, ça fait 0 pour Kix. Évidemment, deuxième manche. Allez, s'il te plaît, trouve Maeva, je peux plus l'entendre. Ou Kix, si jamais. Ouais, trouve Maeva. Tokyo Hotel. Non. Rolling Stone. Non. Inspecteur. Non. 3, 2, 1. Je coupe pour excès de mauvaise mais cover. Mais oui, mais vous arrêtez pas de faire du bruit. Comment vous voulez qu'on se concentre? C'est pas possible. On n'a pas le droit de réfléchir avec Maeva. Mais si, alors si, justement, on a le droit de réfléchir en silence. Ok, d'accord, compris. Ouais. C'était Placebo de Bitter End. Ah, mais... énorme. Ah, j'adore. Ça, c'est du rock. C'est ça que je vous expliquais. Bref, oui, voilà. Ah, ils vont percer, hein, je le sens. Je ne connais pas du tout, donc je sens qu'ils vont percer. T'appuies pas sur ce haut-parleur. Ah, on te connaît, Kix. Hein. Ouais, je vais le faire tomber comme la dernière fois. Ouais. Bon. On comprend pourquoi est-ce que on s'acharne à faire un studio qui est blindé au niveau technique pour être sûr que Kix ne casse rien. C'est quand même incroyable. Une distance de sécurité entre tous les objets. Manche numéro 3, il n'y a aucun point qui a été donné, mettre les voiles. Bon, rien du tout, ouais. Merci, huissier de justice. Oh là là. Allez, troisième manche. C'est au bout du regard, là où les bateaux. Là où je t'emmènerai. Laurent vous le dit. Laurent non. Pagny. Florent Pagny, oui. Florent Pagny. Que je t'emmènerai. Que je t'emmènerai. Bah c'est là quoi. C'est là que je t'emmènerai. Ouais, version TikTok. C'est là que je t'emmènerai sur la route. Bah c'est le moins pire de tous, hein, je trouve. Hein. Ouais, franchement, ça va. Non, ça va. Ça va. Le point va intégralement à Maeva. Ouais, j'en sors, j'ai compris. Merci beaucoup, maître les voiles. Avant-dernière manche. Kix, oui. Si, attends. Ah, oh, non, allez. Allez, Kix. Christophe. Non. Non, attends. Laisse-moi te changer. Si, c'est... Oui, Faudel. Mais non. Non. Mais non. Vraiment pas Faudel. Ah, bah non, Vita et Slimane. Ou Slimane. Slimane, je prends le titre. Mon amour. Non. Dans ma tête. Bah dans ma tête, il y a toi et moi. Oh, vas-y Maeva, toi tu l'as. Non, bah pas du tout. Ah, il vient de le dire. Toi et moi. Non. Bon, je vais t'indiquer quand c'est, comme ça t'auras l'air malin. Toi et moi. La recette, c'est toi et moi. La recette, pardon. La recette, merci. De quoi tu me parles? Oh. Dans ma tête, y'a toi et moi. La recette, c'est toi et moi. On sait déjà. Bonne réponse pour Kix, mettre les voiles. Notez-le, ça n'arrive pas souvent dans cette colonne. Je l'ai fait. On se fait le dernier, c'est un... Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Accrochez-vous. Voici la finale. Si tout va bien, enfin... Damso. Oui. Démon avec Angèle. Ouais. Le point est partagé, bravo. Papa. Beaucoup de talent dans l'équipe ce soir parce qu'il y avait beaucoup de talent sur TikTok. Ah, c'est très bon. Ouais, c'est bon, hop. Voilà, c'est réglé. On n'en parle plus. Merci, Slay. Merci. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Mettre les voiles, vite les points, on est à la bourre. Ah, j'en fais 2-3. 2-3, ce qui donne la victoire à Maeva. Ouais, c'est ça. Je viens de Marseille, il faut que j'essaie de. Enfin, je viens du sud, il faut que j'essaie de trouver l'accent, mais pour l'instant. C'était votre dernier jour, Maître Les Voix. Merci, c'est gentil. L'accent, ça n'allait pas du tout. Il faudra qu'on revoie ça. Hein. Ça va faire l'objet de la réunion de lundi. Voilà. Merci de nous avoir suivis. L'émission est à retrouver partout en podcast, évidemment. L'émission s'appelle La Trappe. Vous tapez ça sur Spotify, sur Apple Podcast, sur ce que vous voulez, même sur votre mur. Et vous pourrez tomber sur l'émission. Merci de faire d'un succès ce podcast. Formidable. Et ça fait plaisir. L'équipe, je vous souhaite une bonne suite de semaine, un bon jeudi, un bon vendredi, un bon week-end, un bon tout ça. Des bisous. À toi aussi. Merci beaucoup. Enfin, quelqu'un qui me le souhaite. Chaque semaine, je vous souhaite une bonne semaine. Je dis pareillement. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Affalé dans ta chaise, c'est bon, on connaît. Merci de nous avoir suivis. Des bisous. Bisous. Jadoul revient mercredi prochain. Alors, il dort le gros con ? Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule.